votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Berlanda qui vient nous parler de son roman policier L'affaire Creutzwald, publié aux éditions de Boré dans la collection Marge Noire. Bonjour Thierry. Bonjour Mona. Alors vous êtes écrivain et philosophe, c'est un peu inhabituel qu'un philosophe écrive des romans policiers. Alors vous aimez le mélange des genres ? Oui, exactement. Mais je pense d'ailleurs que c'est la même énergie qui s'investit dans les deux formes. Le philosophe et l'écrivain, en l'occurrence, cherchent à produire quelque chose comme une authenticité humaine. Et certains, comme moi, dans certains jours, le font par le concept, et puis à d'autres moments, par le roman, qui est une manière d'éprouver profondément, intimement, des sentiments qui caractérisent les humains comme tels. Alors vous êtes très prolifique, puisque vous dites sur votre blog que vous écrivez un roman par an depuis 40 ans. Alors comment faites-vous pour trouver le temps de tout faire ? C'est simple, hein, je commence par faire les choses les plus importantes pour moi, et puis les moins importantes, je les fais après ou je les fais pas. Et donc, comme écrire est archi-prioritaire, je commence par ça. Et à ce moment-là, vous avez tout le temps. Hein, contrairement à ce qu'on pense, je me méfie beaucoup des gens débordés. C'est des gens qui ne savent pas s'organiser, je pense. Ou alors qui n'ont pas une conscience claire de ce qui est important pour eux. Oui. Mais en même temps, je suppose que vous avez des facilités d'écriture. Disons que comme un chirurgien, plus il opère, mieux il opère. Et c'est pareil pour l'écriture. Je pense que quand on prend une certaine habitude, il faut se méfier aussi des habitudes, on arrive à acquérir un geste. Oui. Simplement, il faut rester toujours très exigeant vis-à-vis de soi et vis-à-vis de ce geste. Il ne faut pas que ça devienne une routine. D'accord. Et vous écrivez n'importe quand ou vous avez plutôt des, je ne sais pas, la nuit, vous n'avez pas de rituel particulier ? Mais en fait, de ce point de vue-là, je rajeunis, c'est le seul. Hein. Mais quand j'étais plus jeune, effectivement, il fallait que j'écrive seulement à tel endroit, dans une maison bien précise, dans une pièce, à telle heure, etc. Aujourd'hui, j'écris n'importe où et n'importe quand, en fait. Bon. Oui. C'est super. Oui, oui. Alors, vous êtes né et habité Paris. Oui. Alors, pourquoi avez-vous situé cette histoire en Lorraine ? Alors, j'étais à Creutzwald il y a une quinzaine de jours, au moment de la, enfin, un peu après la sortie du roman. Et effectivement, cette question, enfin, sous une autre forme, m'a été posée. Parce qu'en fait, j'avais envie de travailler, si vous voulez, une patte romanesque. À la fois policière, ce que j'ai un peu l'habitude de faire ces dernières années, mais qui nous porte aussi à la frontière du fantastique. Mmh. Et il fallait pour ça des ingrédients bien précis. Selon moi, que ça se déroule sur une frontière déjà, parce que la frontière c'est un lieu un peu d'indécidabilité, on ne sait jamais de quel côté on va tomber, l'histoire nous l'a quand même enseigné, surtout dans cette région-là. Mmh. Donc, la frontière en elle-même a quelque chose déjà qui est porteur de mystère, d'étrangeté. Deuxièmement, la frontière franco-allemande, parce que là, le passé historique est particulièrement chargé. J'ai déjà fait des livres frontières, oui. À la frontière du Mexique et de l'Arizona, par exemple. Mais ce n'est pas la même charge historique, ce n'est pas la même charge affective. Donc, tout ça est encore très sensible dans la région. Et puis, troisièmement, il fallait... troisième critère, si vous voulez, il fallait un passé industriel à la fois récent et clos. Et là, en l'occurrence, quand j'ai croisé l'ensemble de ces critères, je suis tombé sur Creutzwald, parce que le puits de Vernejoul, oui. Le puits de mine, a été mis par terre quelques années après, mais son exploitation s'est arrêtée en 2004. Donc c'est tout chaud, c'est tout récent. Et vous aviez à la fois... l'occasion de produire un décor comme ça, onirique, fantastique, oui. Qui résultait de la conjugaison de ces trois critères. Voilà pourquoi Creutzwald. Et puis alors, j'y suis allé, oui. je m'en suis imprégné, j'ai découvert des gens qui étaient très passionnants par rapport à beaucoup d'autres. Hein. Moi, ce n'est pas du tout ma région, parce que en plus, ils sont particulièrement attachés à leur région. Et depuis que j'ai publié ce roman, des gens m'écrivent de partout, de Toulouse, de Maubeuge, c'est des cas réels, hein, de Paris. On me dit, j'y suis né à Creutzwald, j'ai dû en partir parce qu'à une époque, c'était pas facile d'y rester. Mmh. mais en quelque sorte, mon cœur est toujours là-bas. Donc il y a un attachement viscéral vraiment à la région. Donc ça, ça me touche. Et je crois que c'est lié aux mines, justement. Ben, c'est pas nouveau de dire ça. Mmh. Puis aussi au fait qu'il y a eu une grande partie de la Lorraine qui avait été annexée avec l'Alsace. Hein, je pense que c'est ça. Voilà, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est les trois critères. Le passé industriel, la frontière franco-allemande avec ses basculements tragiques. Et puis la mine, pourtant, moi je me disais naïvement, mais la mine elle est meurtrière. La mine, elle a tué, elle a rendu des gens malades pendant des dizaines d'années, etc. Oui, mais plus fort que ça, je crois, elle déterminait une sorte de solidarité, de communauté, de lien social qui est, je crois, inoubliable, même pour les nouvelles générations. Donc voilà, c'est... Elle a nourri aussi, la mine. Et oui, elle a détruit, mais elle a nourri. Elle a nourri, hein, c'était un peu le passage obligé pour s'en sortir. Ça, mais à quelles conditions? Je me disais, bon sang, comment est-ce qu'on peut regretter un temps déterminé par une machine aussi effrayante? Ben, c'est parce qu'aussi, elle apportait ça, quelque chose qui ne se retrouve pas souvent dans le monde moderne, c'est-à-dire un être ensemble, tout simplement. Alors parlez-nous de l'affaire Creutzwald. Ben alors, l'affaire Creutzwald, c'est une affaire policière qui commence par des disparitions inexpliquées, il y a quelques années. Et puis, comme le sujet est un peu étrange, même pour les policiers et les officiels chargés de l'enquête, eh bien, et puis qu'on n'arrive pas à établir de preuves de ce qui s'est réellement passé, on a des témoignages, mais... unique ou alors suspect, bon, l'affaire, peu à peu, comme ça se tasse, elle est classée sans suite. Et quelques années plus tard, à l'occasion d'un événement particulier, un des personnels policiers qui avait été chargé de l'enquête 5 ans plus tôt décide de rouvrir le dossier. Et elle fait appel à une journaliste qui travaille comme pigiste à l'Express. Et ces deux femmes... qui n'ont rien de particulier apparemment, hein. c'est pas Wonder Woman, ni l'une ni l'autre, et puis elles sont pas mal cabossées dans leur vie personnelle, elles vont se saisir de cette affaire-là, un peu fantomatique dans tous les sens du terme, et puis repartir à l'assaut, quoi. Et puis peut-être trouver dans ce défi une occasion aussi de surmonter elles-mêmes leurs propres difficultés, leurs propres fantômes personnels. Voilà, donc c'est ça, c'est l'histoire d'une enquête policière dans un milieu d'étrangeté, et puis qui se complique un peu d'une histoire d'amour impossible, d'une histoire de vengeance implacable. Donc, si vous voulez, ce roman coche un peu toutes les cases du polar, mais en même temps, voilà, j'ai tenu beaucoup à lui apporter cet élément de ce petit plus, selon moi, que j'avais envie en tout cas d'explorer, qui est cette frontière-là aussi, entre le normal, l'anormal, l'ordinaire, l'extraordinaire, le routinier, le fantastique, etc. Donc c'est la quatrième frontière de ce roman, si vous voulez. D'accord. Alors nous revenons après à La faveur de l'automne de Tété. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne vient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme une fredonne de vieille mélodie. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi tes allures de garçon rompies un peu la monnaie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme mon fredonne de vieille mélodie. À la faveur m'avait prévenu. Voici la vérité nue. Et là, là, mon frère, plus que le mauvais temps s'y mettre, une goutte d'appui, et j'aurais vraiment tout perdu. Voilà, pas peur de nos peines, revient cette douce mélancolie. Un peu, point qu'un homme comme nous frotter. Alors, nous sommes toujours avec Thierry Berlanda. Alors, rien ne prédisposait là, à la rencontre de la journaliste Céline et de la policière Aura. Elles sont très, très différentes et pourtant une belle amitié va naître quand même. Oui, c'est les difficultés affrontées ensemble qui vont les rapprocher. Mais c'est vrai qu'apparemment, elles n'ont rien à voir. L'une est savoyarde, un peu bourrue, un peu mal dégrossie, on dirait, aujourd'hui, provinciale, enfin. Et moi, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs. Et puis, l'autre est une Parisienne droguée à peu près au dernier degré, qui est tombée de cheval, au sens figuré, parce qu'elle avait une situation sympathique et puis qu'elle n'était plus en état de l'assumer. Donc elles sont, et puis la première, Aurélie, elle a des difficultés aussi conjugales. Donc elles sont toutes les deux, effectivement, vraiment désarçonnées au moment où cette affaire leur tombe dessus. Mm-hmm. Alors Aurore prend des risques en faisant ressortir une vieille affaire qui est classée. Vous aimez les personnes qui défient leur hiérarchie parce que c'est ce qu'elle fait en fait. Ah, j'adore, je ne supporte pas l'idée d'hiérarchie. C'est quelque chose qui me, qui me met mal à l'aise en fait, parce que je considère vraiment que... Enfin, il faut que j'affine. Je pense qu'il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas dans certains domaines, donc c'est normal que certains, provisoirement, aient une situation de supériorité sociale ou technique. Mais en revanche, je crois que la hiérarchie ne doit jamais refléter une différence de valeur entre des personnes. Toute personne en vaut une autre, j'allais dire. Et donc, effectivement, tout ce qui est de l'ordre du défi ou de la remise à niveau des personnes en tant que telles m'intéresse. C'est même un motif constant chez moi, effectivement. Alors, vous dites à un certain moment que les morts font comme une faveur à certains vivants. Ils ouvrent leur univers. Vous pouvez développer ? Oui, je peux développer, je l'ai fait dans le roman. Oui, enfin, c'est une allégorie. Oui. Souvent, en tout cas, moi, les morts me parlent. D'ailleurs, les morts ne sont pas vraiment morts pour moi. Les gens auxquels je tenais beaucoup et qui ont disparu, qui sont morts, j'arrive pas vraiment à en faire le deuil. Je le souhaite pas, d'ailleurs. Ils continuent à vivre avec moi. Je trouve que cette idée, on a que ça à la bouche aujourd'hui, faire son deuil, mais je pense qu'il ne faut pas le faire, son deuil. C'est une illusion. Il faut continuer à vivre avec les personnes qui ne nous ont pas quittés, je dirais. Évidemment, ça prend une autre forme. Je n'en conclus rien sur la réalité objective de ce que je dis. Personne n'en est capable. Ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas, oui, certaines fois, assez souvent, je crois, les morts nous soufflent des réponses. Encore faut-il l'entendre. Ah, il faut être accueillant à ça, oui. Mais ouais. Si on est un écrivain, si on est un auteur, si on est un artiste, et qu'on n'est pas ouvert à ce qui passe par nos esprits autrement que par les voies habituelles, eh bien, il faut se poser des questions sur sa vocation. Alors, Julien, un de vos personnages, a la passion de la vérité. Alors, Céline, la journaliste, pense que l'on n'abandonne pas une passion. Une addiction, oui, parfois, mais une passion, jamais. Alors, ce sont des propos que vous pourriez reprendre à votre compte ? Oui, je les reprends complètement à mon compte. Oui. La passion, je crois, c'est ce qui nous caractérise d'abord comme humain. sommes vivants. Et donc, renoncer à une passion, c'est renoncer à soi, ce que je ne conseille à personne d'essayer. Alors effectivement, on peut se guérir du tabac, de l'alcool, de la drogue, du jeu peut-être, enfin. Mais d'une passion authentique, comme celle de la vérité, qu'a ce jeune policier, là, ce jeune stagiaire, je pense qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas s'en guérir. Alors vous écrivez aussi, la vérité n'est pas une lubie, ce n'est même pas une passion, mais un démon. Quand il s'est assis sur vos épaules, les jambes bien serrées autour de votre cou, il bourdonne sans cesse à votre oreille et ne relâche son emprise que lorsque son appétit est rassasié. Pourtant, la vérité est multiple, elle n'est pas la même pour tout le monde. Ah oui, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et d'ailleurs, avoir le démon de la vérité, c'est chercher la vérité ultime qui serait la même pour tout le monde. Mais on sait d'emblée que c'est le cas pour personne. Mais le démon, si vous voulez, ce n'est pas le démon au sens folklorique du terme. C'est le démon qu'on trouve chez Socrate. Alors là, je n'ai pas développé dans le roman, parce que ce roman, c'est un roman, mais c'est le démon qui vous tire sans cesse par l'oreille, qui vous prend par la main pour vous conduire justement vers vous-même et vers la vérité. Parce que la vérité qu'on cherche, c'est finalement celle sur soi. Et c'est sans doute peut-être enfin, ce qui animait aussi Julien dans ce roman et qui anime aussi les personnages, les autres personnages. Alors Alice, un autre personnage, est à la fois solaire et très très malheureuse. Oui. Vous pouvez nous parler d'elle, elle a été un peu sacrifiée, non ? Oui, elle a été la victime, si j'ose dire, consentante d'une histoire d'amour qui n'a pas pu aboutir, comme elles aboutissent d'habitude, par une union, par un mariage ou une union d'une autre forme, parce que simplement il y avait une très forte opposition sociale. À cette union. Alors ça, c'est un thème un peu rebattu, sauf que elle, ça l'a rendue un peu dingue, quoi. Donc, c'est une personne qui à la fois fascine, parce qu'elle est très belle, qu'elle est singulière, qu'elle a une aura particulière, et en même temps, elle est victime de cette beauté et de cet amour que lui vouent les autres, parce que ça l'a conduite à vivre effectivement un grand malheur, dont elle a beaucoup de mal à se relever. Oui, c'est vrai. Et c'est là qu'on part, dans un moment un petit peu fantastique. Ben oui. Oui. Mais différent du premier roman pour lequel vous étiez venu, c'est plus fin, plus en arrière, tout à fait. Du roman. C'est vrai. Le premier pour lequel j'étais venu faisait partie d'une trilogie dans laquelle il y avait qui était beaucoup plus univoque, il y avait des aspects beaucoup plus classiques. De toute façon, il y avait des aspects sordides qui s'assumaient comme tels. On était dans un thriller très raide, très direct, pour certaines personnes trop. Direct. Et là, c'est pas un thriller, en fait. C'est un roman noir qui peut passionner, qui a d'ailleurs beaucoup de succès. Moi, je suis très heureux de ça, puisqu'il est sorti il y a 2 mois, il est déjà en réimpression, donc c'est magnifique. Parce que je crois que c'est un autre aspect qui a plu aux gens ou qui plaît aux gens, c'est effectivement cet aspect un peu limite fantasy, fantastique, qui est comme l'ombre de l'aventure policière. Les deux sont mêlés, voilà. Puis il est nettement moins violent aussi. Et il est moins violent, oui, ça j'assume. Oui, moi je ne suis pas quelqu'un de violent personnellement, donc parfois je fais des livres très violents. Le deuxième, qui est sorti quasiment en même temps chez un autre éditeur, est un roman particulièrement violent qui s'appelle Jurong Island, paru aux éditions du Rocher. Celui-là, non, j'assume complètement le fait que c'est une histoire policière. Il y a des aspects un peu oppressant, bien sûr, des scènes un peu difficiles, mais globalement, ce n'est pas un roman violent. Non, c'est vrai. Non. Alors, vous écrivez aussi, « L'humanité est une drôle d'espèce. Avant d'être quoi que ce soit d'autre, elle est accro. Certaines tétouilles sont autorisées, d'autres pas, mais c'est seulement en fonction des conséquences sociales ou sanitaires de leur utilisation. Sur le fond, boulot à outrance, sexe en pagaille, drogue à la chaîne, pinard ou eau bénite électo, une tétouille est une tétouille. » Vous croyez qu'on a tous besoin de béquilles ? Je crois que l'humanité est une espèce effectivement en addiction. Alors, oui. Simplement, il y en a des bonnes et des mauvaises. Oui, c'est sûr. Mais quand on est accro au livre, ça va. Ben voilà, exactement. C'est une addiction. Oui. Il y a des gens qui se baladent dans la forêt toute la journée. C'est une addiction aux arbres. Moi, je la trouve très, très bénéfique. Quand on dit addiction, en général, c'est pour évoquer le côté négatif de cette chose. Mais effectivement, je conseille plutôt les bonnes que les mauvaises. Mais je pense qu'effectivement, on a besoin. En fait, je crois que les hommes se caractérisent, enfin les hommes, les femmes évidemment, c'est l'humanité dont je parle, se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas tout à fait adéquats à eux-mêmes. Vous savez, moi, le chien Médor ou le chat, aussi maltraité qu'il soit, il ne doute jamais d'être un chien ou un chat. Oui. Il est complètement lui-même, il est adéquat à soi. Pour l'humanité, être soi ne va pas de soi. Donc il faut effectivement ce que vous appelez une béquille, une tétouille, une tétine, un complément, un substitut. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est qu'illusoire, il peut être parfaitement authentique. L'art, par exemple, c'est une façon de faire le joint entre soi et soi. Il y en a d'autres, spirituels par exemple. Et puis il y en a d'autres qui sont illusoires, qui sont effectivement des manies. Et on se grandit en y renonçant. Alors, quels sont vos projets ? D'après vous, Mona, D'autres livres, je suppose. voilà. Exactement, oui. Pour le même éditeur de Boré, j'aime beaucoup mon éditrice Hélène Tellier, avec qui je m'entends très très bien chez de Boré. Donc, elle m'a demandé un autre livre, donc je me suis empressé de dire oui, et puis de demander un petit peu de délai, parce que c'est difficile d'écrire. C'est à la fois une joie et une grande fatigue, c'est épuisant. Et donc je lui livrerai quelque chose au printemps prochain, qui paraîtra en 2019, plutôt à l'automne. Et puis chez mon autre éditeur, avec qui je m'entends très bien aussi, les éditions du Rocher, là je suis en train de d'écrire effectivement un troisième volet d'une trilogie, vous voyez, qui paraîtra au printemps. D'accord. Prochain. Oui. Et le thème de votre prochain roman que vous allez écrire pour chez de Boré ? Alors pour de Boré, oui, tout à fait. Pour de Boré, j'avais écrit l'année dernière, était paru l'année dernière, L'Orme au loup, qui était une histoire policière historique. Et là, on va se relancer dans ce genre, là aussi, que j'aime beaucoup, situer un roman policier au XVIe siècle. Alors ça suppose évidemment beaucoup de documentation, l'emploi d'une langue un peu différente, mais je m'amuse follement en voyageant comme ça dans les mondes, dans les époques. Donc je vais repartir sur ce genre de piste. Alors j'ai appris que vous seriez présent au Livre sur la Place cette année. Oui. C'est une espèce de consécration ? Oui, j'avais très envie de venir à Nancy, parce que déjà j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup les gens, comme je vous le disais tout à l'heure, de cette région. Et puis le Livre sur la Place, effectivement, c'est un des grands salons de France. Merci. Donc je participe à d'autres, hein, comme Brive ou Montaigu, Limoges, Saint-Louis, etc., qui sont de très très gros festivals. Mais Nancy en est un. Et donc, évidemment, aller à la rencontre des gens, ça me passionne. Donc plus j'ai l'occasion de le faire, plus je suis heureux. D'accord. Et les gens viennent à vous facilement ? Ils vous parlent de vos livres ou un peu d'autre chose ? Oh, alors ça, c'est très curieux comme expérience. Parce que, évidemment, la plupart me parlent de mes livres. Alors tous ne les connaissent pas encore, bien sûr. Hein, et certains les découvrent. Et ensuite reviennent vers moi pour me dire ce qu'ils en ont pensé. Parce que moi, je suis très ouvert à l'échange. Oui. Parce qu'un salon, c'est très bien, mais une fois que l'échange a eu lieu, souvent l'aventure est terminée entre un lecteur et un auteur. Moi, je suis frustré de ça. Et donc, j'incite les gens à revenir vers moi. Ils le font, certains. Personne n'est obligé, bien sûr. Mais alors, évidemment, ça crée aussi des difficultés, parce qu'il y a des gens qui reviennent vers moi de manière extrêmement massive et répétitive, et parfois extra-littéraire. Donc, il faut aussi gérer ça. Bon, oui. Bien sûr. Mais globalement, je tiens le choc et puis j'assume. Oui. Alors effectivement, pour vous répondre complètement, les gens ont un rapport avec les écrivains qui est un rapport particulier. Je suis persuadé d'entendre de la part de personnes des confidences qu'ils n'ont pas faites à des proches depuis 30 ans et qui me font à moi en 10 secondes. Parce que le rapport qu'a instauré la lecture crée une intimité, une proximité qui est inouïe, qui ne se retrouve jamais dans d'autres circonstances de la vie, ou très difficilement. Alors je précise qu'un écrivain n'est pas un confesseur, c'est pas mon rôle, mais les gens me parlent, moi j'écoute, hein. Et puis en plus ça me sert. Oui, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des situations des fois qui peuvent aboutir à un livre, à un début de livre. Oui. Ça fournit des bribes, effectivement. Alors, je ne le fais pas dans ce but, mais on est des éponges, hein, les écrivains, des éponges. Mais pourtant, c'est bizarre parce que vous êtes quand même aligné. Donc, les gens vous font des confidences alors que, il y a plein de personnes autour, tout le monde peut entendre. Ben, ça va, oui, mais... Oh, En général, comme il y a pas mal de bruit, la conversation reste quand même assez reste particulière entre un lecteur qui passe et un auteur. Mais ces confidences, elles ne s'arrêtent pas là, elles continuent après le salon. C'est ça. Donc c'est un démarrage là d'une relation qui ensuite se poursuit sur les réseaux sociaux, etc. Mmh. Bon, et là, 99 fois sur 100, j'en suis très heureux. Mmh. C'est peut-être aussi parce que vous avez une double casquette de philosophe et écrivain. Ben oui. Peut-être qu'ils pensent que vous comprenez plus facilement que les autres. Peut-être. Et puis je dis tellement que j'aime bien recevoir des témoignages, que ce soit sur mes livres ou sur autre chose d'ailleurs. Hein. Oui. Je ne suis pas nombriliste. Ben, les gens me prennent au mot, ben, ils ont raison. Alors quel livre auriez-vous aimé écrire ? Alors, le livre que j'aurais aimé écrire, et que je n'ai pas écrit, vous voulez oui, dire oui. Alors, un livre qui a été écrit par un autre, que vous auriez aimé avoir. Oui, mais il y en a plusieurs. Le livre des livres, pour moi, alors, c'est vraiment celui que j'ai dû le dire déjà la dernière fois, que je relis tous les ans, qui est une passion pour moi, c'est l'Odyssée. Hein, donc voilà, donc moi, je n'en sors jamais, je n'en finis jamais. Mais, et donc, évidemment, c'est plus que prétentieux de dire ça, mais j'aurais aimé, en tout cas, écrire l'Odyssée. Peut-être que ce que je fais sont des copies modernes, contemporaines, rock'n'roll de l'Odyssée, c'est possible. Sinon, il y en a plein d'autres. Hein. Je lis assez peu de thrillers, en fait, et assez peu de policiers, parce que j'en écris, donc j'ai pas tellement de temps pour en lire. Donc je lis plutôt de la littérature autre, de la littérature classique, ou de la littérature contemporaine blanche, ou de la philosophie, bien sûr, beaucoup. Donc, mais il y a des romans récemment que j'ai lus et qui m'ont enthousiasmé, des livres... les livres de Cathy Galliègue, les livres de Martine Magnin, un livre de Sonia David, là, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les autres auteurs. Donc je les envie toujours un peu quand ils font quelque chose de très bien. Ah oui, j'imagine bien. Bien sûr. Alors merci à Thierry Berlanda d'être venu nous parler de son roman L'affaire Creutzwald, publié aux éditions De Boré. Alors au revoir Thierry. Au revoir Mona, merci beaucoup. Alors au revoir à tous et belles vacances surtout.